Ouais, ah ouais, j'aime bien. Ah ouais, hey, c'est du bon, mec, hein. T'as fait du bon taf. Merci, mec. Ouais, t'as fait du bon taf. Moi, je te dis honnêtement, le premier déjà, j'ai kiffé. Ouais. Là, j'écoute. Ah ouais, c'est du bon. Hein. Si, Ah ouais, si. ah, le truc de ouf. Eh, hey, mais il y a un truc que je comprends pas. Quoi? T'es. Je confirme, c'est le nom de ton EP. Ouais? Mais quand j'écoute là, t'es. Je vois pas le morceau, je confirme. Je sais pas, les gens, t'es, ils vont pas trouver ça bizarre. Mais non, LSD, enfin, moi j'ai fait ma part de taf. Et maintenant, tu vois, ceux qui n'ont pas compris. Voilà quoi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais attends, je crois que t'as peut-être raison. Viens, toi et moi, si t'es chaud, on écrit un petit truc là et on leur explique. Pourquoi je confirme. Yo, yo! Et d'ailleurs, j'ai remarqué que quand tu poses, c'est comme quand tu causes. D'abord, te fais des idées, tu dis des bonnes choses. Aïe, normal, j'ai ça dans les gènes. Faut pas que ça les gêne, je fais bouger les jeunes. C'est propre et net, fais gaffe à l'hygiène. À part ça sur scène, ton cerveau jamais ne la scène. Elle, philosophe, t'es un dealer de riche, chasseur de primes. Membre de la Dream Team, membre de la Dream Team. Me remettre contre la déprime. Contre la déprime, j'arrive dans un style ascendant. Descendant d'un peuple qui a trop souffert sur Beach Post. Transcendant, prétendant au royaume des indécents. Indécis, homme puissant, le philosophe est de retour, ça s'annonce menaçant. Dans n'importe quelle circonstance, mec, je vois que t'avances. Devant la tentation, tu prends tes distances. Mes distances, le rap, faut pas qu'on m'en dispense. Quand je vis, je pense à demain pour que mes fils dansent. Comme Nas dans The Firm, des grandes gueules, je ferme. Je confirme avec un son fat, et là j'ai mis un terme.